France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, les dentistes Ripoux de Marseille ou l'histoire d'un fils et de son père accusé d'avoir mutilé des centaines de patients dans les quartiers nord et pauvres de la ville pour s'enrichir sur le dos de l'assurance maladie et ce pendant 6 ans avant d'être rattrapé par la justice. On l'appelle l'affaire Gedge, du nom de ses arracheurs de dents, et c'est d'abord l'histoire d'une dérive, celle d'un jeune dentiste ambitieux installé dans un désert médical, qui voit affluer chaque jour dans son cabinet des centaines de patients, précaires pour la plupart, et ravi de pouvoir enfin soigner leur dentition pas cher, voire gratuit. Les soins, les traitements, les prothèses, tout ou presque, est remboursé par la sécurité sociale, et le tiers payant les dispense souvent d'avancer les frais. Un modèle gagnant-gagnant qui repose sur la bonne foi du praticien, et c'est bien là le problème dans cette histoire. Parce que pour Zine, Aïcha, Youssef, Sarah, sa sœur, Sabrina, et les centaines d'autres victimes qui ont été trompées et mutilées, au-delà du préjudice sanitaire, le pire bien sûr, l'affaire Gedge est aussi un cauchemar administratif et judiciaire et une atteinte à leur dignité de classe sociale, non loin du concept méprisant descendant. Une histoire enfin de nature à battre en brèche l'idée préconçue que le déficit de la sécu est provoqué par des assurés sans scrupules, notamment, la racine du mal se trouve aussi, parfois, du côté des blouses blanches, ici en tout cas. Notre invitée aujourd'hui, Mathilde Sey, journaliste au Figaro et autrice du podcast Le Sourire Gedge, coproduit par 20 minutes et Paradiso Média. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Bettina Lioret, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Stéphane Combe. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. C'est passé, s'il vous plaît. Merci. Escortés par des policiers, Lionel Gedge et son père arrivent à leur procès. Ils entrent dans la salle d'audience par une porte dérobée à l'arrière du bâtiment. À l'intérieur, un peu plus d'une centaine de parties civiles les scrutent du regard. Quelques insultes fusent et des sifflets retentissent. À l'extérieur, un petit groupe de plaignants manifeste sa colère. Le boucher qui nous a trahis ! Lamia explique comment Lionel Gedge procédait avec ses patients. Il endormait les gens. C'est quelqu'un qui vous endormait. Il arrivait à vous parler, vous endormait. Moi, je suis rentrée pour 2 petites dents au fond parce que j'avais eu une grossesse et qui s'était cassée à la base. J'ai rien compris. Il m'a aiguisé toutes mes dents. Oh ben vous savez, c'est comme tout. Vous faites confiance à votre médecin. Lundi 28 février 2002, 3e arrondissement de Marseille. À quelques pas de la gare Saint-Charles, dans le quartier de la Belle de Mai, des dizaines de personnes se réchauffent en piétinant sous le soleil hivernal devant la salle des procès hors normes. 700 mètres carrés, une capacité d'accueil de 400 personnes, cette salle n'existait pas quelques mois plus tôt. C'est le ministère de la Justice qui a ordonné sa construction en lieu et place d'une ancienne caserne pour accueillir les très nombreuses parties civiles, mais aussi les accusés, les avocats, les journalistes, pour ce procès extraordinaire. Et le nom de cette salle ne doit rien au hasard, car tout dans ce procès est hors norme. À commencer par le nombre de plaignants et de plaignantes, plus de 300, ce qui en fait, avec le procès des médiateurs, l'un des plus importants de la décennie. Hors norme également, le délai entre la mise en examen des dentistes et leur procès, 10 ans. Mais en ce 28 février 2022, les victimes font face enfin à leur bourreau. Pour la première fois, elles ne sont ni anesthésiées, ni à leur merci, mais bien en position de force. Avec un espoir que ce procès, qui s'ouvre pour 6 semaines, leur apporte les réponses aux questions qui jusque-là sont restées sans réponse, à savoir, comment Lionel Gedge et son père sont-ils parvenus à tromper des centaines de patients pendant toutes ces années et à fomenter cette fraude massive sans éveiller les soupçons? Pourquoi la justice a-t-elle été si lente à juger ces crimes et à indemniser les habitants des quartiers nord de Marseille? Pour le comprendre, il faut, comme souvent, remonter le temps et traverser les quartiers des Arnavaux, de Saint-Louis et de la Viste pour atterrir dans le 15e arrondissement de Marseille. Automne 2005, au numéro 194 de l'avenue Saint-Antoine, les allées et venues se succèdent au cabinet dentaire qui a ouvert ses portes quelques mois plus tôt. Pour les habitants, c'est une petite révolution, car les médecins dans les alentours sont rares, et les spécialistes encore plus. Après quelques années de bons et loyaux services, les professionnels de santé un à un plient bagage pour s'installer dans des quartiers, disons, plus vivables, plus tranquilles, au sud de Marseille. Il faut dire que le contexte social n'arrange pas les choses. Depuis la mort tragique de deux adolescents à Clichy-sous-Bois, des émeutes se propagent dans les banlieues de l'Hexagone. Mais dans la cité phocéenne, les incidents sont plutôt limités dans les quartiers nord, qui font même figure d'exception, comme en témoigne ce reportage diffusé au journal télévisé de France 2. De qui on devrait avoir peur ici au quartier ? Des gars. Non, seulement des souris ! À Marseille, les mères de famille n'ont pas peur de sortir dans leur quartier. Il y a eu ça, mais c'est que des épaves, hein ? S'il y a bien eu quelques épaves de voitures brûlées ces derniers jours dans cette cité, rien à voir avec l'embrasement des autres cités françaises. Qu'est-ce que vous pensez des jeunes là qui sont en train de brûler les voitures à Paris ? Ils sont pas comme chez nous là, hein ? Ça n'a rien à voir. Non, on est calme. Voilà, c'est bien. Ici, on a l'esprit familial, il y a beaucoup de choses, il y a le respect des anciens. 225 000 personnes habitent les quartiers nord qui, mis à part le soleil, n'ont rien à envier aux banlieues parisiennes. Et pourtant... Là, vous avez des banlieues. À Marseille, on a des petits villages. Et tout le monde se connaît à un moment donné. Le quartier a beau être encerclé par les tours HLM, Saint-Antoine a des airs de village provincial, en effet. L'ambiance y est conviviale. Et si les conditions de travail laissent parfois à désirer, Lionel Gage, 25 ans, ne regrette pas une seule seconde de s'être établi ici. D'abord, les quartiers défavorisés ne l'intimident pas, et puis les affaires marchent bien. 60 000 euros de chiffre d'affaires en novembre, c'est 10 000 euros de plus que le mois précédent. Il faut dire que dans ce quartier, tous les ingrédients pour faire son beurre sont réunis. Une forte densité de population, pas de concurrence, une patientèle précaire, mais pour moitié bénéficiaire de la couverture maladie universelle, la CMU, avec une forte demande de soins. Bref, tout cela est très prometteur. Et Lionel Gage est un ambitieux. Il voit les choses en grand. D'ailleurs, pour lui, la médecine dentaire, plus qu'une fin, c'est un moyen. Et ce cabinet, il en est convaincu, c'est sa poule aux œufs d'or. Et dès la fin de l'année 2004, l'entrepreneur est prêt à réaliser son rêve, vivre la grande vie et rouler en Aston Martin comme James Bond. Bien, mais comment y parvenir ? Il se trouve que les solutions sont multiples et bien connues chez les professionnels de santé, comme l'explique cet article signé Henri Sequel, paru le 6 octobre dernier dans les colonnes du Monde. Le catalogue d'astuces est riche, mais trois façons de flouer l'assurance maladie reviennent en boucle. Facturer des prestations inutiles, surfacturer des prestations et facturer des prestations fictives. Il s'agit du procédé le plus répandu. C'est un généraliste à Nîmes, qui profitait de la visite de ses patients pour compter une consultation à tous les enfants inscrits sur la carte vitale et se faire payer ainsi 3, 4, 5 consultations au lieu d'une. Seconde façon de frauder, la surfacturation. Il ne s'agit plus d'inventer des prestations, mais d'exagérer plus ou moins celles que l'on fournit. C'est le pharmacien qui vend un médicament générique et se fait rembourser l'original plus cher. Pour la troisième grande méthode de fraude à l'assurance maladie, l'organisme peut décider de facturer des actes inutiles qu'aucune raison de santé ne justifie. Lionel Gage le sait pertinemment, tout cela est illégal. Mais qui viendra mettre son nez dans la comptabilité d'un petit quartier dentaire des quartiers nord, hein ? Et puis, qui s'en prendra au seul dentiste à des kilomètres à la ronde, le seul qui soigne les habitants des quartiers ? Début janvier 2006, Lionel Gage présente à son associé, son père, le nouveau modèle économique du cabinet, basé sur une stratégie imparable qui leur assurera un maximum de bénéfices. D'abord, il faut facturer beaucoup plus d'actes à la sécurité sociale. Donc, rallonger les horaires d'ouverture, de 7h à 21h, et réduire au strict minimum le temps de chaque consultation. Ensuite, exit les détartrages et les soins de carie qui ne rapportent que quelques dizaines d'euros, quand une dévitalisation, cette intervention qui vise à retirer la pulpe, le nerf et la racine d'une dent, en rapporte, elle, une centaine. Et qui dit dévitalisation, dit pose de prothèse, couronne, bridge, ou appareil facturé parfois plusieurs milliers d'euros, et là encore, largement remboursé par la Sécurité sociale. Gage, père, est dubitatif. Mais Lionel, le fils, balaye tout cela d'un revers de la main. Ces gens-là n'ont aucune hygiène dentaire. Mais avec ce qu'ils gagnent, ils peuvent s'estimer heureux qu'on leur propose un sourire ultra bright, dit-il. Pourtant, le pari est risqué. Qu'arriverait-il en effet si les patients se retournaient contre le cabinet? Là encore, Gage se veut rassurant. Au fil des mois, il l'a bien compris, les bénéficiaires de la CMU, celles et ceux qui sont dispensés d'avancer leurs frais médicaux, ne vérifient jamais le coût des prestations. Dès lors, pourquoi ne pas poser des prothèses low cost et facturer les plus chères à l'assurance maladie? Les patients et la Sécu n'y verront du feu. Parfait. Mais que faire des patients qui n'ont pas les moyens de payer les soins, ceux qui ne sont affiliés à aucune mutuelle et qui, de fait, ne peuvent permettre aux dentistes de facturer quoi que ce soit? Eh bien, la solution, Lionel Gage la trouve l'année suivante en échangeant avec l'un de ses patients, un certain Nadir, jeune courtier en assurance. Ce dernier lui vante alors les mérites d'un contrat de mutuelle de la marque Swiss Life qui pourrait convenir à ses patients. Précision sur ce point de Maître Gilles Martin, avocat de l'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dans le podcast Le Sourire Gage, écrit par Mathilde Seyne. C'est un contrat avantageux pour deux raisons. La première, c'est que la première année, il ne coûtait pas cher. La première année, vous avez une cotisation qui est extrêmement basse. Et ensuite, au terme de la première année, lorsque le contrat se poursuit, la cotisation, bien entendu, revient à son niveau normal. Et puis la deuxième particularité de ce contrat, c'est qu'il avait un taux de couverture très important. Il remboursait très bien les soins prothétiques. Avec l'aide de ce courtier, il va finalement placer des contrats d'assurance chez les patients qui soit ne bénéficient pas d'une mutuelle, soit bénéficient d'une mutuelle qui rembourse beaucoup moins bien. Comme l'assurance n'était pas chère la première année, il fallait que les soins soient faits tout de suite, mais il fallait aussi que l'assurance soit résiliée au terme de la première année, parce qu'ensuite, effectivement, la cotisation était plus importante, et on s'est rendu compte que Lionel Gage avait même préparé des lettres de résiliation pour ses patients. Donc on voit bien qu'il s'inscrit dans ce processus frauduleux qui est destiné non seulement à tromper ses patients, mais aussi à tromper l'assurance maladie. Dès lors, le système Gage se met en place par Lionel Gage et son associé. Le père arrivera plus tard. Entre 2006 et 2010, le dentiste reçoit jusqu'à 70 patients par jour pour des consultations éclairs en suivant le redoutable protocole qu'il s'est lui-même fixé. Ce rythme frénétique l'épuise, forcément. Mais parce qu'il voit chaque mois son chiffre d'affaires grimper un peu plus, Lionel Gage tient bon. Où je sens l'insulte de trop. je tourne la page, tourne mon héritage en lambeaux. Aujourd'hui, les dentistes Ripoux de Marseille. Affaires sensibles sur France Inter. Marseille, hiver 2010. Sarah, 20 ans, descend l'avenue Saint-Antoine et passe la porte du cabinet pour la première fois. Lorsqu'il vient la chercher en salle d'attente, après avoir fait la bise à un autre patient, la jeune femme s'étonne que le docteur la tutoie comme ça, d'emblée, sans même la connaître. Mais elle repense à ce que lui a dit sa collègue. « Tu verras, il est très sympa. » Avec lui, pas de charabia, pas de mots complexes, il vaut plus simple. Assise face à lui, elle remarque par ailleurs le fauteuil high-tech à bras motorisés et les accessoires dernier cri. Autant de détails qui la rassurent. Sarah lui explique alors son problème, elle a une carie sur l'une de ses molaires. La suite, elle la raconte elle-même dans le podcast Chronique criminelle de Jacques Pradel. Elle m'explique qu'il y a beaucoup de soins à faire et que j'ai des dents assez, si je peux dire, délabrées. Donc qu'il faut faire très attention et que je risque d'avoir mes dents qui vont tomber. Il m'a montré une photo d'un monsieur avec des dents noires, si je peux dire, toutes noires, la gencive noire aussi. Des dents qui manquent aussi, jeunes, toutes cariées. En me disant que si je continue à rester comme ça, mes dents presque vont devenir comme ce monsieur, d'après ce que j'ai compris. Et c'est vrai qu'il m'a fait peur. Donc je me suis dit, ah oui, il faut faire quelque chose, il faut que je me soigne. Gage, qu'on n'appellera pas docteur ici, car les mots ont un sens, lui montre ensuite une autre photo. Celle d'un sourire éblouissant, un sourire de star, selon ses termes, qu'il s'engage à lui offrir. Et surtout, rien à payer. À condition qu'elle signe un contrat de mutuelle Swiss Life, bien sûr. Confiante, comment ne pourrait-elle pas l'être? Sarah s'en remet à lui. Quelques jours plus tard, alors qu'il enlève la prothèse provisoire qu'il lui avait posée, la jeune femme passe sa langue sur ses dents et se glace. Tout ou presque semble avoir été taillé en pointe, comme les canines d'un vampire. Elle est saisie d'un frisson. Mais elle n'ose rien dire, après tout. Qu'est-ce qu'elle y connaît en médecine dentaire? Et comment tenir tête à cet homme en blouse blanche, si sûr de lui et qu'il ne cesse de la rassurer? Elle ne sait pas encore, mais le dentiste lui a dévitalisé 23 de ses 32 dents parfaitement saines pour lui fixer une prothèse définitive dont elle n'avait aucunement besoin. Le lendemain, au siège de la société Swiss Life, située dans le 2e arrondissement de Marseille, l'un des agents de contrôle s'étonne qu'une si jeune patiente ait pu subir autant de dévitalisation. L'employé décide alors d'envoyer un signalement au service d'enquête interne de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Quelques instants plus tard, à 10 km plus au sud, Frédéric Ménasser voit une alerte s'afficher sur son écran. Bon, de plus, pense alors le sous-directeur de la caisse primaire des Bouches-du-Rhône qui, depuis plusieurs mois, voit les plaintes contre le docteur Getsch s'empiler sur son bureau tout de même. Et là, les témoignages de patients se ressemblent, et étrangement. Comme ceci, récolté par les équipes du magazine de la santé pour France 5. Il m'a dit que les dents elles étaient abîmées, qu'elles allaient se déchausser, tout ça, je vais te faire un travail, mais il ne m'a pas expliqué quoi. Moi, j'ai laissé faire. Il a commencé à me dévitaliser toutes les dents. Regardez toutes ces dents, quand même. Je n'ai plus de dents. Là, je le fais devant vous. Je le fais jamais, ça. J'ai honte. Mais c'est pas beau. Il m'a déplumé. je vois des personnes qui qu'on a les mêmes dents. Par exemple, quand je la vois le sourire, je dis ben, les dents de Gage. Le problème, c'est qu'on ne voit rien. On nous fait plein de piqûres. On est sous anesthésie et on ne le sent pas. Et on voit que le travail dure un petit peu trop longtemps. Donc on se dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai le manger qui rentre tout le temps. Manger au restaurant, ce n'est pas possible. Mais d'avoir sa brosse à dents avec soi, là où on va. Tout ça pourquoi? Il a détruit des familles, il a détruit des personnes, tout ça pour quelques billets. Comme des centaines d'autres victimes du docteur Gage, Sarah est tombée dans le piège. Et comme tous les autres patients floués, lorsqu'elle constate les dégâts, elle retourne au cabinet pour demander une explication et des réparations. Mais Lionel Gage n'est plus disponible. C'est son père qui gère le service après-vente. Et selon lui, enfin madame, tout a été fait selon les règles. Prenez votre mal en patience, attendez que la douleur se dissipe. Ben voyons. Parce que la situation empire et conduit les patients à se tourner vers d'autres dentistes qui leur présentent des devis astronomiques de plusieurs milliers d'euros, car il s'agit maintenant de réparer les dégâts provoqués par Monsieur Gage. Face à l'afflux de signalements, Frédéric Ménasser et son équipe d'enquêteurs de la Caisse primaire d'assurance maladie analysent scrupuleusement l'activité du cabinet dentaire incriminé. Et d'emblée, ils sont surpris par la cadence des consultations et le nombre d'actes pratiqués par jour. Les agents tombent même des nues lorsqu'ils découvrent que le nombre de prothèses posées par le dentiste est 28 fois supérieur à la moyenne. À l'automne 2011, le sous-directeur transmet les résultats de son enquête à l'avocat de la Sécu des Bouches-du-Rhône, Gilles Marta, qui dans le podcast Le Sourire Gage résume ainsi la situation. Avant de pratiquer un acte quelconque sur un patient, vous devez l'informer. Lionel Gage, il s'affranchit de tout ça. Dès le premier rendez-vous, il posait ce faux diagnostic et les travaux commençaient. Et on va se rendre compte que Lionel Gage est un chirurgien dentiste qui, finalement, a une pratique inversée par rapport aux autres, puisque lui fait 80% de soins prothétiques et 20% de soins conservateurs. Et on se rend compte aussi très rapidement, lorsque on analyse l'activité journalière de ce praticien, qu'il réalise un nombre d'actes journaliers qui est c'est juste impossible, puisqu'on arrive sur des journées de 52 heures, entre 45 et 50 heures. Sur l'année 2010, 33 journées avec un nombre d'actes facturés qui oscille entre 52 et 188 actes. C'est impossible de faire autant d'actes dans une journée. Le 22 décembre, la Caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône porte plainte contre Lionel et Jean-Claude Gage pour violence volontaire ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Une première plainte qui concerne déjà 85 victimes. Mais l'enquête s'enlise. Alors, pendant un an, Lionel Gage continue tranquillement de recevoir ses patients et de toucher ses 70 000 euros de revenus mensuels sans laisser paraître la moindre inquiétude. Et pour cause, grâce à un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros et 600 000 euros, cette blouse blanche au noir dessin peut se targuer d'être le dentiste le plus riche de France. Désormais, les banquiers lui déroulent le tapis rouge et lui accordent sans broncher les dizaines de crédits qu'il contracte pour s'offrir plusieurs biens immobiliers. 5 sur la Côte d'Azur, 3 à Paris, 1 à Megève, mais aussi 14 œuvres d'art estimées à 140 000 euros. Des voitures de luxe, dont une Aston Martin, évidemment, mais aussi une Porsche Cayenne à 260 000 euros, ainsi qu'un yacht de 15 mètres pour la modique somme de 705 000 euros. Pour assurer ses arrières, Lionel Gage achète également un bureau de tabac à Aix-en-Provence sur le cours Mirabeau, la célèbre avenue du centre-ville, et il en confie la gérance à sa femme. Mais en novembre 2012, en ouvrant le journal, le couple apprend que le procureur de la République à Marseille ouvre une information judiciaire contre Lionel Gage et son père. Alors qu'il croule sous les crédits, interdiction pour lui désormais d'exercer, et son associé a claqué la porte. Heureusement, enfin pour lui, il lui reste le bureau de tabac. Les revenus sont confortables, certes, mais pas suffisants pour Lionel Gage qui décide, coûte que coûte, de se lancer dans un trafic international de cigares. On ne se refait pas. Les victimes, de leur côté, se réjouissent que la justice s'empare de cette affaire qui dure depuis 6 ans déjà. Sauf que 4 ans plus tard, Lionel Gage n'a toujours pas été jugé. Ce qui signifie que les 327 plaignants et plaignantes ne sont toujours pas considérés comme victimes. De fait, Elles n'ont pas pu toucher aucune indemnisation et continuent de souffrir dans une indifférence quasi générale. Lui promettait à ses patients un sourire de star, mais beaucoup sont ressortis de son cabinet la bouche mutilée. Lionel Gage, ancien dentiste marseillais, est jugé à partir d'aujourd'hui pour violence volontaire et escroquerie. On l'accuse de s'être frauduleusement enrichi sur le dos de la Sécu en multipliant les poses de prothèses inutiles et bâclées. 10 ans après les faits, certains anciens patients en ont encore des séquelles. Ils sont plus de 300 à s'être constitués partie civile. Le 28 février 2022, 10 ans après l'ouverture de l'information judiciaire, le procès s'ouvre enfin à Marseille contre Lionel et Jean-Claude Gage qui comparaissent libres. Mais comment expliquer un tel délai? Eh bien essentiellement par le contexte. Lorsqu'en 2012, le pôle de santé publique de Marseille est chargé d'ouvrir une enquête sur les dentistes Gage, l'unique juge d'instruction en charge est débordé. C'est aussi simple que cela. Mais si l'instruction du dossier Gage n'en finit pas, c'est aussi à cause du nombre de victimes. 327 au total qui déposent plainte successivement entre 2012 et 2019. Impossible de clore l'enquête tant que de nouvelles plaintes arrivent. Après quoi, pour chacune des 327 parties civiles, la justice doit mener des expertises. Donc, mandater des dentistes experts chargés d'analyser les dossiers médicaux et d'estimer la responsabilité des docteurs Gage, notamment en ce qui concerne les mutilations. Et pour chacune de ces expertises, il faut convoquer toutes les parties, ainsi que les Gage, et entendre leur version des faits. Un véritable cauchemar administratif, selon les avocats des plaignants. Enfin, il faut organiser le procès et trouver un moyen d'accueillir à la fois les nombreux plaignants, les prévenus, les avocats et les journalistes qui suivent l'affaire. Problème, aucune salle n'est assez grande. Alors, le ministère de la Justice lance la construction de cette salle des procès hors normes à Marseille. La fin des travaux est annoncée pour décembre 2020, mais dès le mois de mars, la pandémie du Covid met la France à l'arrêt. La fin des travaux est repoussée à décembre 2021. Au cours de ces 10 longues années, les victimes, qui n'ont pour la plupart jamais eu affaire à la justice, doivent se plier aux innombrables démarches administratives. Compiler et remplir des dizaines de documents, les transmettre aux experts et aux différentes juridictions. Mais elles doivent aussi supporter la douleur et les conséquences sur leur vie sociale et professionnelle, forcément impactées, ainsi que les refus de prise en charge quasi systématiques des autres dentistes. C'est ce que raconte Noël au micro de Mathilde Sey dans le podcast Le Sourire Gage. À partir du moment où l'affaire éclate, vous avez des soucis buccaux. Vous annoncez, de toute façon, dès que vous allez dans une consultation parce que vous avez une douleur, on vous demande de suite qui est-ce qui vous a fait ça. Vous le dites naturellement, quoi. Mais de toute façon, ils le savent, que c'est le docteur Gage qui nous a fait ça. Et donc, de là, ils vous donnent les cachets nécessaires, les ordonnances nécessaires pour vous faire passer le mal. Mais en tout état de cause, ils ne vous touchent pas. Parce qu'ils savent qu'il y a une enquête sur la situation, il y a un procès qui va se dérouler et qu'ils ne veulent pas prendre le risque de se retrouver eux aussi dans une situation qui n'auront pas été en cause. Ça a été compliqué. Quand vous en avez fait 3-4, qu'on vous refuse à chaque fois l'accès, vous êtes tout seul, c'est fini. En mars 2021, face à l'inaction de la justice et au dénuement de ses clients, l'avocat Lionel Febraro décide de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Et le 5 avril 2022, 5 semaines après le début du procès contre les dentistes Gage, et comme en témoignent les réquisitions des procureurs rapportées par Mathilde Visneux sur France Inter, on comprend que le bout du tunnel approche. Les deux procureurs décrivent un plan machiavélique pensé par Lionel Gage, une politique industrielle avec un mode opératoire standardisé pour les 327 victimes, 3 900 dentelles mutilées et jusqu'à 3 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. C'est ça la machine à broyer Gage, martèle la procureure. Elle écarte la thèse de la défense, celle d'une erreur médicale. On ne mutile pas massivement par erreur. L'argent, c'est le carburant de Lionel Gage et son père, son associé, ne veut et ne cherche que la réussite de son fils. Pour le père, l'accusation demande 4 ans ferme, 150 000 euros d'amende. Pour le fils, la peine maximale, 10 ans ferme, 375 000 euros d'amende et la confiscation de tous ses biens, immeubles, assurances vie, yachts, voitures de luxe et œuvres d'art. Le 8 septembre 2022, Lionel Gelge est condamné à 8 ans de prison et son père à 5 ans pour avoir mutilé des centaines de patients et orchestré un système d'escroquerie à la sécurité sociale. Des peines assorties d'une interdiction définitive d'exercer et de l'obligation d'indemniser leurs victimes. Mais ces dernières doivent encaisser un nouveau coup dur lorsque Lionel Gelge et son père, qui depuis le début du procès minimisent les faits et rejettent l'accusation de violence volontaire, décident de faire appel. Sauf que cette deuxième juridiction n'est pas plus tendre envers les Gelge, comme le montre la réquisition de l'avocat général. Les qualificatifs qui me viennent à l'esprit pour synthétiser ces jours d'audience sont la cupidité, le cynisme, l'égoïsme, l'indifférence, la trahison, la douleur, la haine, le mensonge, mais aussi le courage de celles et ceux venus témoigner à la barre. Il n'y a aucune remise en cause. Se remettre en cause, c'est échanger de rythme, concéder qu'on avait fait des erreurs, qu'on avait dévitalisé un bon nombre de dents alors que vous ne pouviez plus revenir en arrière compte tenu des crédits contractés. Il n'y en a qu'un qui aurait pu vous arrêter. C'est votre père, Monsieur Gelge. Vous avez vu les dents dévitalisées à la va-vite? Vous avez vu les prothèses mal adaptées? Les abcès? Les plans de traitement aberrants? Et qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Père et fils, c'est un binôme uni dans le même pacte. La décision finale est rendue le 20 octobre 2023. La condamnation prononcée en première instance est confirmée. Lionel Gelge, 43 ans, est maintenu en détention. Son père, Jean-Claude, 71 ans, le rejoint en prison. Les victimes, reconnues comme telles, enfin, vont pouvoir être indemnisées et tenter de reprendre une vie normale. Si cette affaire a connu un tel retentissement, c'est d'abord parce qu'elle touche à l'une des parties les plus visibles du corps humain, la bouche, comme identité sociale. Comme l'explique Hélène Goutani dans le podcast « Les Sans-Dents » de Binge Audio, la bouche, c'est la seule muqueuse que l'on dévoile, la seule partie visible de notre squelette, comme une promesse, un avertissement de qui l'on est. Oui, notre bouche dit quelque chose de notre histoire, de notre classe sociale. Dans Les Misérables, par exemple, Fantine ne vend-elle pas ses palettes, ses deux dents devant, à un arracheur de dents pour quelques louis d'or? Avec Lionel Gelge, c'est bien cette figure ancestrale de l'arracheur de dents qui ressurgit. Il nous renvoie aussi à d'autres abus, plus récents et bien ancrés dans le réel cette fois, ceux des centres low-cost, comme Dentexia, condamné en 2018, et qui dévoile toute la toxicité d'un système dans lequel médecine et affairisme se côtoient. Alors, faut-il remettre en cause un modèle de protection sociale qui repose sur la confiance dans les médecins? Dans son enquête, le journaliste du Monde, Henri Sekel, souligne que la fraude, si elle existe, ne concerne qu'une minorité d'entre eux. Heureusement, et on ne jette pas à l'opprobre sur toute une profession. Bien. Mais comment empêcher les abus? Faut-il encore renforcer les contrôles des structures de santé, quitte à décourager les praticiens? Et comment résoudre cette équation quand 10% des Français vivent dans des déserts médicaux et n'ont pas accès aux soins? Lionel Gelge et son père ont été condamnés. Les victimes ont enfin reçu les indemnisations auxquelles elles avaient droit. Mais une question demeure. Qui paiera la note laissée par les Gelge? Aujourd'hui, l'affaire Gelge, notre invitée Mathilde Sey. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste pour Le Figaro et vous avez suivi de près l'affaire des dentistes Gelge pour 20 minutes à Marseille. Je crois que vous vivez à Marseille également. Oui, c'est ça. Très bien. C'est ça. La question a son importance pour ce qui suit. Vous avez également écrit une enquête très fouillée sur le sujet qui a donné lieu à une série de podcasts intitulée Le Sourire Gelge, coproduite par 20 minutes et Paradiso Média. D'abord, comment avez-vous découvert cette affaire? Qu'est-ce qui a suscité votre intérêt? Moi, je me suis retrouvée dans cette histoire un peu par hasard, je dois dire. Puisque, oui, vous l'avez dit, j'habite à Marseille, mais j'ai déménagé. Je ne suis pas originaire de Marseille. Ça s'entend peut-être, je n'ai pas l'accent, même si pas tout le monde a l'accent à Marseille. Je suis arrivée à Marseille en 2017 pour prendre effectivement un poste au journal 20 minutes, soit bien après du coup le début de cette histoire. Et comme beaucoup de journalistes, je suis amenée à couvrir des procès, ça fait partie de mon quotidien. Et l'année 2022 a commencé comme ça pour moi. Mon chef de l'époque me demande de couvrir le procès Gage. On sait que c'est un procès qui est attendu de par son caractère hors norme. Mais à vrai dire, à ce moment-là, j'en sais pas bien plus. Donc comme avant chaque procès que je vais couvrir, je me renseigne et je prends contact avec toutes les parties prenantes. Et il s'avère qu'une des premières personnes à me répondre, là aussi par hasard, c'est une victime, Noël, qui témoigne dans mon podcast. Et on se donne rendez-vous, et je me souviens toujours de ce rendez-vous. Ça devait durer une vingtaine de minutes, les journalistes sont tout souvent pressés. Ça a duré une heure et demie. Je me suis retrouvée face à un homme qui me confiait sa détresse, un homme édenté, qui avait besoin de raconter cette histoire. Et je me suis retrouvée totalement happée, en fait, par cette affaire. Dehors, c'était la guerre en Ukraine, mais moi, je n'ai rien vu de tout ça. Tout peu de temps après, il y a eu le procès et je me suis retrouvée interloquée par cette histoire. Je pensais pas que ça allait m'interroger à ce point-là, parce que pour moi, c'est bien plus qu'un fait divers. En fait. Mais bien sûr, il y a une dimension humaine, un préjudice humain qui est terrible et psychosocial même. Oui, oui, mais et puis ça, déjà, je trouve que c'est une affaire qui dit beaucoup de notre société, du rapport aux soignants en France, des failles dans l'accès aux soins également et des difficultés que peuvent avoir certaines victimes à obtenir réparation. Et du rapport aussi à l'autorité incarnée par la blouse blanche. Tout à fait. C'est l'un des éléments de ce dossier. C'est on est face à une patientèle qui est particulière. Qui est précaire et qui se retrouve face à quelqu'un qui est le sachant, qui est le soignant, à qui elles font confiance, comme vous l'avez dit précédemment. En plus, on est sur un jeune dentiste qui a un cabinet dernier cri, avec des super gadgets. Donc sympa, voilà. C'est très, très accessible, très accessible. Alors, vous êtes allé sur le terrain, évidemment, dans le quartier où travaillaient les docteurs Gage. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'a priori sur les quartiers nord de Marseille. Alors décrivez-nous, s'il vous plaît, ce quartier-là de Saint-Antoine et ses habitants. C'est vrai, vous avez raison. Moi-même, avant de mettre les pieds dans les quartiers nord, j'avais, en tant que non-marseillaise, j'assume, des a priori sur ces quartiers-là. On pense que c'est des grandes barres d'immeubles, des cités avec des problématiques de règlement de compte, de drogue, tout ce qu'on en dit dans les médias, en fait. Mais c'est une image assez réductrice. Effectivement, le quartier Saint-Antoine est assez emblématique des quartiers nord, en ce sens où c'est un reste de village provincial, comme vous l'avez dit, un noyau villageois avec des maisons pas plus hautes qu'un étage. Et autour, des barres d'immeubles ont été construites pour y loger les rapatriés d'Algérie, toutes les personnes qui arrivaient à Marseille dans l'espoir d'une vie meilleure, dans les années 50-60 en particulier. Et du coup, voilà, dans ces quartiers-là, on est passé de noyaux villageois des endroits où aujourd'hui se concentre une population assez précaire. Il faut savoir que dans les quartiers nord, le taux de pauvreté dépasse les 40%. C'est bien au-dessus de la moyenne nationale. Bien sûr. Et ça, Gage le savait pertinemment. Mais alors, on a tenté d'expliquer pourquoi des gens se sont fait piéger, notamment le rapport à l'autorité médicale, le sachant, celui qui ne sait pas. Bon, ça c'est clair, mais comment expliquer qu'il ait pu recevoir autant de patients pendant toutes ces années? Ils n'ont pas parlé entre eux. Je suis allé là, vous avez vu ce qu'il m'a fait? Non, rien. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable dans cette histoire. Pour en avoir discuté avec des victimes dans le cadre de la préparation notamment de mon podcast, beaucoup de victimes se pensaient à un cas isolé. Dans mon podcast, une des victimes qui témoigne explique que jusqu'à ce que l'affaire soit médiatisée, comme vous l'avez rappelé, elle pensait qu'elle était folle, que tout ce qu'elle vivait, c'était normal, que les douleurs, les travaux dentaires, le fait comme ça de pas comprendre ce qui lui arrive, c'était, elle était un cas isolé, pas de chance, limite, vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose, oui. Je vois bien. C'est comme ça. Et donc, pendant des années, personne n'a donné l'alerte. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que c'est une mutuelle qui a donné l'alerte et non pas des patients. Ouais. Mathilde Seille, dans la famille Gage, je ne veux ni le père, ni le fils, c'est ce que doivent se dire toutes celles et tous ceux qui sont approchés de ces deux-là, et qui subissent une double peine, finalement. La première peine, c'est d'avoir été massacré, entre guillemets, avoir les gencives très abîmées par des dentistes escrocs, et la seconde peine, c'est que pour faire réparer tout ça, il faut aller chez des vrais dentistes, qui s'affairent, probablement, mais qui prennent cher, parce que là, pour le coup, ce sont les tarifs normaux. Donc, comment les réparer les dégâts si on n'a pas l'argent pour le faire ? Bah, c'est surtout que, dans le cas des victimes des Dr. Gedge, la problématique est que tant que le procès ne s'était pas tenu, il aurait été, et c'est toujours le cas d'ailleurs aujourd'hui, puisque la procédure est en cours. Oui, pardon, ça c'est important. On a parlé donc de la première condamnation, de l'appel qui a alourdi la condamnation, et ils sont pourvus en cassation. C'est ça. Mais la peine n'est pas suspensive, ils sont encore en prison. Ils sont en prison, mais par contre, ça veut dire que le procès est en cours, et c'est vrai que je sais qu'avant, par exemple, le procès en appel, il avait été conseillé aux victimes de ne pas se soigner parce que c'était... Faire le constat, quoi. Et oui, c'est ça, c'était prendre un risque que sinon, on pouvait cacher en d'éventuelles preuves. Mais pour répondre à votre question, la problématique qui se pose aujourd'hui à ces victimes-là, c'est effectivement de prendre en charge des soins qui sont très très lourds. Donc elles comptent effectivement sur des indemnisations qui tardent à venir de la part de la justice, et elles vont très certainement... j'ai des exemples en tête, se tourner vers l'étranger, car aujourd'hui, c'est la seule solution pour pouvoir, pour ces victimes qui sont précaires, de se soigner à moindre coût. Pensez-vous, est-ce qu'on dit, que la justice aurait indemnisé plutôt les victimes si elles n'étaient pas originaires des quartiers nord de Marseille ? Est-ce que, en d'autres termes, il y a une discrimination de la justice à l'égard des plaignants due à leur origine sociale ? Une justice de classe, quoi. C'est difficile de répondre à cette question. Bien sûr. Mon sentiment... Est-ce que ça se dit, ben, est-ce que le sentiment dans la population, c'est ça ? Plutôt que le vôtre, je ne vais pas vous impliquer. Non, ce qui se dit, c'est certain, c'est que elles ont été, elles disent, abusées parce qu'elles ne savaient pas, ça c'est une certitude, et elles ont aussi eu des difficultés à comprendre le système judiciaire, vers qui se tourner pour pouvoir avoir accès à leurs droits. Ah oui. Je sais que par exemple c'est moi qui expliquais aux victimes que j'ai interviewées comment ça allait se passer. J'ai un autre cas de victime qui n'avait pas entamé les démarches d'indemnisation parce que elle n'avait pas compris vers qui se tourner. Donc on peut dire que la justice en France est particulièrement complexe à comprendre pour tout un chacun, et peut-être encore plus pour des gens qui en sont très éloignés et qui n'ont peut-être pas les connaissances et qui n'ont pas fait des études de droit très poussées pour pouvoir accéder et être indemnisés derrière. Alors, dans ces méandres judiciaires, est-ce que des victimes ont été quand même indemnisées en ce moment ? Est-ce qu'on a un chiffre ? Écoutez, j'ai interrogé le parquet juste avant cette émission. Je sais qu'aujourd'hui, 255 personnes ont saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Et qu'à date, 34 personnes seulement ont été indemnisées, ce qui fait seulement 13%. Pour un montant total de 847 000 euros environ. Oui, 847 142 euros. Exactement, ouais. Vous avez le chiffre exact. Non, mais vous connaissez bien vos chiffres aussi. Hein. Les indemnisations, je crois, varient entre 6 800 euros et 63 000 euros, voilà. Exactement. C'est ça. Exactement. Est-ce qu'on a un montant des provisions versées à date ? Oui, mais j'ai plus le chiffre en tête, par contre. Bon, c'est pas grave, on va pas non plus faire entrer dans une science des chiffres. Alors, quel est le montant total, si on sait, des indemnisations auxquelles les Gedge ont été condamnés? On le sait, ça? Pour l'instant? Non. J'ai pas l'information. D'accord. Alors, est-ce que Lionel Gedge devra rembourser tout ça au fonds de garantie? Oui, effectivement, c'est la grande question. Aujourd'hui, les indemnisations sont avancées, en fait, par le fonds de garantie. Mmh. Et l'argent du fonds de garantie, en fait, c'est vous et moi, hein, puisque c'est prélevé sur nos contrats d'assurance. Derrière, le fonds de garantie va se retourner vers les Gedge pour pouvoir avoir le retour de ce qui a été avancé. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, Lionel Gedge, on ne sait pas vraiment le montant de son patrimoine. Il est solvable, oui. C'est parce qu'il y a eu des soupçons, effectivement, que bon, ça n'a pas été prouvé à l'heure actuelle, mais d'insolvabilité, qu'il aurait transféré une partie de son patrimoine à son épouse, notamment. Et dans cette affaire, le rôle du père, qui est moins net que celui de Lionel le fils, hein. C'est une très bonne question, effectivement. Le père, il arrive à un moment particulier, en fait. Le père arrive un peu à l'aide, à la demande du fils qui est atteint d'un cancer, mais qui ne veut pas, tout juste après avoir ouvert le cabinet, mais qui ne veut pas ralentir la cadence parce que... Attendez, qui est atteint d'un cancer ? Lionel Gage. Lionel, d'accord. Lionel Gage, en fait, a été diagnostiqué d'un lymphome de Hodgkin's en stade 4, un stade très avancé. Et juste quelques mois après avoir ouvert le cabinet. Et c'est pour ça qu'il fait appel à son père au départ, c'est parce que les médecins lui disent « ralentis, arrête ». Et lui, il ne veut pas arrêter, sa femme est enceinte. Il pense qu'il va mourir, c'est ce qu'il a raconté à la barre. Et c'est à ce moment-là que le père arrive. Et le père arrive d'abord pour l'aider, et puis il reste. Alors ce que dit son avocate, c'est parce que l'ambiance lui plaisait, et il jongle entre l'activité qu'il avait déjà par ailleurs et l'activité auprès de son fils. Mais il s'est toujours présenté comme un urgentiste, un petit peu là pour essayer de colmater les brèches, si je peux prendre cette expression. Mmh. Mais c'est pas une version qui a convaincu la justice, qui le considère véritablement comme un co-auteur, quelqu'un qui agissait comme son fils, comme le voulait son fils. Et quels étaient les rapports entre le père et le fils pendant... Excellent, apparemment. Et ça s'est vu même après le moment du procès en appel. Le père était en liberté conditionnelle, il venait voir son fils à chaque suspension d'audience. Ils ont encore des liens très très très forts. Donc il n'a pas le sentiment de s'être laissé entraîner dans une galère par son fils, apparemment. En seconde instance, il a dit qu'il avait fait des erreurs et qu'effectivement peut-être qu'il avait manqué de lucidité. Oui, bah c'est moins qu'on puisse dire, si jamais c'est le cas. Alors, est-ce que dans ce quartier, alors j'imagine que c'était pas, est-ce que c'était le seul cabinet dentaire du... Il paraît que c'était un des seuls à l'époque. Oui, c'est ce que m'ont raconté les victimes. Il y avait quelques cabinets, mais très peu, parce qu'il faut savoir que l'une des problématiques dans les quartiers nord, c'est aussi son côté isolé. Outre la patientèle qui est particulière, qui est assez pauvre, il faut savoir que dans les quartiers nord, c'est des quartiers qui sont dépourvus de transports en commun, qui sont coupés de tout. Donc c'est sûr que pour un praticien, c'est pas très attractif. Et maintenant, on sait si un autre cabinet s'est installé, un cabinet normal, avec un dentiste normal. L'ironie de l'histoire, c'est qu'à la place du cabinet médical aujourd'hui, du dentiste le plus riche de France, il y a une banque. Quel symbole. Alors, entre-temps, j'ai retrouvé les chiffres. Ah, dites-moi. Parce que c'est quand même... on va pas les apprendre par cœur. Hein. Donc, en première instance, le tribunal correctionnel a fixé les indemnisations définitives de 36 parties civiles pour un montant de 787 229 euros. C'est ça. En outre, les prévenus ont été condamnés à verser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 1 475 231 euros. Au FGTI, la somme de 365 717 euros. À Swiss Life, 152 113 euros, et à la mutuelle Unéo, la somme de 20 986 euros. Alors, je vais pas faire la litanie de tous les chiffres, mais ils ont été condamnés en raison des articles, que je ne cite pas d'ailleurs, à raison de 1500 environ par partie civile. 1500 euros par partie civile et à de nombreuses provisions. Et alors, l'arrêt de la Cour d'appel a débouté l'une de ces parties civiles et a revu à la baisse l'indemnisation d'une autre, si bien que les indemnisations des parties civiles, globalement, sont à ce jour de 769 258 euros. Voilà pour... À savoir, par contre... Pour les chiffres, oui. Pour comme ça, il y a eu un pourvoi en cassation, ça aussi, pour le moment, c'est suspendu. C'est suspendu, oui. Et le pourvoi en cassation, on a une échéance ? Non, mais c'est souvent très long en France, donc on est encore pour des années de procédure. Ouais. Bien, merci infiniment, Mathilde Sey. Merci à vous. Les questions auxquelles vous avez répondu après votre travail d'enquête. Je rappelle le nom de la série de podcasts, Le Sourire Gage, coproduite par 20 Minutes et Paradiso Média. Merci, au revoir. Merci.